Planet Rap. À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Planet Rap reçoit MZ. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap MZ, c'est maintenant sur Skyrock. Et c'est déjà la dernière de la semaine. Bienvenue à vous tous, bienvenue à la MZ. On est tous tristes, ça va et toi? Petite larmichette à l'œil. Ah ouais. En ce 1er mai, jour férié, mais pas pour les MZ. Non, on bosse toujours. Elle m'aura quitté ma place. Ouais. J'allais. Tu as perdu quelque chose qui était sur ton oreille. Arrête. Non, mais tout va bien, c'est un stylo pour écrire. Ouais, un stylo. Pour écrire certainement des nouveaux textes, non? Là, c'est en plus, on est dans une ambiance où ça fuse. Ouais, on est là, on est beaucoup de création ce soir entre 20 et 21. Ouais, on a ramené de la compagnie. Ben, j'allais vous demander, en tout cas, c'est vrai qu'on est bien accompagné. Quel plaisir de finir la semaine non seulement avec vous, mais surtout les jeunes filles qui viennent de nous rejoindre dans le studio. Ouais. On est là, on est posé, je vais les laisser se présenter. Alors, on commence par qui? On entend des belles voix là, carrément. Allez, commençons par. Commençons dans l'ordre. Non, mademoiselle? Attends. Eh ben, on attaque, vas-y, c'est parti. Salut, c'est Mallory, qui fait partie du label, du collectif Davidson Présent. Et tu es présente aussi sur le projet de la MZ. Exact. Bon, tout va bien, Mallory? Ça va. En pleine forme? Ouais, ça va. Et bon, on fera plus ample connaissance avec toi tout à l'heure. On continue juste le petit tour de table sur les gens qui nous accompagnent. Alors moi c'est Zaina et je fais aussi partie du collectif Davidson Présent. Et on t'a aussi entendu cette semaine dans l'émission entre 20h et 21h. Allez sur. On l'a entendu dans Je suis un menteur. Je suis un menteur. Additionnel, la fin. Et on va te réentendre dans un instant puisqu'on va débuter avec. Ouais. Et continuons aussi ce tour de table magnifique, j'ai envie de dire, dans ce Planet Rap. Bah, c'est presque la même chose, hein, Zaina, mais moi c'est Zaira avec Zaira. Un R. Avec un R. Et donc je viens du même label que la MZ Arista donc. Et voilà, je suis venue soutenir Affaires de Famille. Très bien. Eh ben, bienvenue Zaira. Bienvenue à vous, à toutes les trois. Bienvenue aussi à la MZ ce soir. C'est pas le même bienvenue. Hein. Il est moins courtois, bizarre. Mais non. Toujours très courtois. Hey Fred, je sors, il y a un clip qui sort d'ici Gestin. Ah ben là, il est dans quelques minutes. Dans quelques minutes. Voilà. Allez, une petite dizaine de minutes, il sera dispo. Voilà. Même pas. On débute avec Je suis un menteur. Ouais. C'est parti, la MZ dans Planet Rap. C'est maintenant, c'est le coup d'envoi et c'est la dernière cette semaine dans Planet Rap. L'amour est une épreuve. Les sentiments me font peur, et j'ai honte quand tu pleures. Parce que je suis un menteur, ce soir je dormirai seul. Wesh les Baby Boys sont là. Bébé, l'amour n'a pas de cœur. L'amour est une épreuve, et on en est la preuve. Hey Chourou, bon anniversaire. Tes sentiments me font peur, et j'ai honte quand tu pleures. Parce que je suis un menteur, ce soir je dormirai seul. Chez nous l'amour n'a pas de cœur, bébé l'amour n'a pas de cœur. Tu sais que j'aime pas te voir dans cette Oh y'a Tom Tom qui nous rejoint dans les locaux. L'ingé-son Tom Tom, aïe. En plus t'es pas belle comme ça. Ton maquillage dégouline sur ton visage. T'as cherché, t'as trouvé en fouillant dans mon téléphone. T'es tombé sur les messages d'Alicia, Katia, etc. Maintenant t'as l'impression de faire une chute de cet étage. Autour de toi, le monde s'écroule. J'ai l'air d'un con mais j'essaie de rester cool. Aucun de tes ex n'a pris aussi soin de toi. Aucun t'a baisé comme moi. Aucun de ses couples n'est aussi mignon que nous. Et si tu pars, j'espère que tu reviendras. Garde-moi une place dans ton cœur, je te garde une sous mes draps. Au pire des cas, je penserai à toi. Dans les bras d'une autre meuf, la vie est belle, la mort est proche. Et l'amour est une épreuve. Et on en est la preuve. Tes sentiments me font peur. Et j'ai honte quand tu pleures. Parce que je suis un menteur. Ce soir je dormirai seul. Chez nous l'amour n'a pas de cœur. Bébé l'amour n'a pas de cœur. L'amour est une épreuve. Et on en est la preuve. Tes sentiments me font peur. Et j'ai honte quand tu pleures. Parce que je suis un menteur. Ce soir je dormirai seul. Chez nous l'amour n'a pas de cœur. Bébé l'amour n'a pas de cœur. Ma belle, j'ai pas le temps de me prendre la tête avec toi. Ouais, je sais, je suis un bâtard, mes parents n'étaient pas mariés, mais veux-tu coucher avec moi? Viens, on se fait la guerre pour mieux se faire l'amour. Peut-être que ce sera l'une des dernières fois. Trois bagues au doigt pour mes ennemis, t'as visé l'annulaire. Garde la foi. J'suis pas le tocard de tes morceaux de souk. J'suis plus rusé que les tocards de tes morceaux de souk. Regarde pas mon portable, il est méchant, mais il te fait des bisous. Je lève jamais la main sur une femme. Je mets en île missile, en île missile. Deux, trois cheveux coincés dans le calbar. Là, je suis sorti d'un homicide. Quel bon homicide. On en est la preuve. Tes sentiments me font peur. Et j'ai honte quand tu pleures. Parce que je suis un menteur. Ce soir, je dormirai seul. Chez nous, l'amour n'a pas de cœur. Bébé, l'amour n'a pas de cœur. L'amour est une épreuve. On est la preuve. Tes sentiments me font peur. Et j'ai honte quand tu pleures. Parce que je suis un menteur. Ce soir je dormirai seul. J'ai 4 mai, affaire de famille. MZ. L'amour n'a pas de cœur. Je suis chez le poteau, qu'est-ce que tu me dis? C'était la voix de sa petite cousine. Je suis le roi des abrutis. Je me suis encore fait attraper ce coup-ci. Eh. No stress, retourne au monde de situation que je vais tenter. Pas de panique, je suis un menteur. J'ai déjà ce que je vais dire dès que je vais rentrer. Trop serein ici, c'est moi qui gère. Des mots d'amour autour d'un resto. On se fait l'amour, on se fait la guerre. Ça peut aller très vite à cause d'un texto. Par contre, toi, si tu me trompes, je te casse la gueule. Je rigole, je m'en bats les couilles, j'en sers une autre. En vrai, il n'y a pas que des menteurs. De me feront du dégât parano. Wesh, Momo. Je suis un menteur. MZ avec nous. Toujours, toujours. Et avec Zaina, c'est ça hein, sur avec le, Zaina, Mallory, sur le, mais sur le morceau, sur celui-ci, je suis un menteur. Ouais, voilà, avec je suis un menteur. Zaina, tu confirmes? On est avec Zaina. Tu confirmes, hein? Ouais. C'est lequel le plus menteur des trois? Fais attention. Wow. C'est le démo. Wow. Ah ça y est, les dossiers sont lâchés. Après, c'est-à-dire quand, on a attendu, quand, t'as, quand t'as une réponse comme ça de la part d'une menteuse, après on se pose des questions. Zaina, droit de réponse ou non? Non. Rien à ajouter? Non, on va rien rajouter. Non, c'est bien, tu as raison. Non, c'est personne ne veut rien rajouter, non? Non, nous on est là, on est posé dans le calme, tu sais. On est en famille là, tu sais. On est posé, on promotion. Toi ça va, tu as été épargné. C'est ouais, bien. Non, moi ça va, moi je m'en plus parce que là dans les locaux vient d'arriver Thomas, notre ingénieur du son depuis qu'on a 14 ans, tu vois. Il est là. Depuis, il vous connaît depuis que vous avez 14 ans. Thomas, ouais. Bah, bravo. Viens dire un petit mot, toi. Viens dire un petit mot. Dois dire un petit mot. Ça va bien, Thomas? Thibaut, ça va. En forme. On va être là, tranquille. Donc depuis qu'ils ont 14 ans, tu les connais? Depuis qu'ils sont tout petits. Depuis qu'ils sont tout petits. Et en fait, c'est drôle. Parce tiens, que rapproche-toi bien. Voilà. Je les ai connus quand, ouais, il y a une dizaine d'années à peu près, c'est ça, 9-10 ans. Et c'était vraiment des gamins, hein, on va dire. Oh, on va pas se mentir, ils étaient là, ils étaient petits, c'était moitié Davidson qui. Toi, tu bossais en studio? Moi, je bossais en studio, un petit studio dans le 11e et le montant. On le rendait ouf, il devenait tout rouge. À chaque fois, c'est devenu rouge. Il pétait un plomb. Ouais, mais il y avait la motive quand même, je sentais que vous étiez là, et Davidson, le grand frère, il les drivait, tout ça. Et après, on a fermé le studio, ils ont taffé, deux ans après, ils sont revenus, et là, j'ai vu des. J'ai vu des vrais gars, quoi. Et tu continues, t'as bossé aussi donc sur Affaires de Famille? J'ai bossé sur Affaires de Famille, sur quasiment tous les projets, sauf quoi, le 1 ou 2. Le 1, voilà. Sinon, ouais, t'as bossé sur. Et donc sur celui-ci, sur Affaires de Famille. Même celui d'avant, même le tout premier. Et ça fait super plaisir d'être là. Et franchement, bah, je suis fier d'eux. Quoi. Voilà, bon, toi, à titre personnel, depuis que tu les écoutes, t'as senti vraiment une progression, une façon de travailler Ils ont toujours essayé de bosser, de faire ce qu'il fallait pour progresser, tout ça. Ils ont gardé leur univers, ils n'ont pas cherché à copier. Moi, je ne voyais jamais essayer d'imiter un style ou quoi. Donc, ils sont là où ils sont maintenant, ils ont ce qu'ils méritent. Et voilà. Et bah, bravo à toi, Thomas. On est toujours là. Tu seras là pour la suite. Ah ouais. Voilà, Thomas, donc qui fait partie. Bah, c'est vrai que c'est une affaire de famille, alors, hein, vraiment. Hein. Ouais, ouais, on roule ensemble. Quand on parle d'affaires de famille, c'est que voilà, quelqu'un que vous avez en tant qu'ingé son qui est là avec vous depuis que vous êtes tout petit et qui vous suit, ouais, ça doit être aussi touchant de voir l'évolution, de voir que, mine de rien, ça avance. Mine de rien, on était des gamins qui sont devenus des vrais gars, comme l'a dit Thomas. Et bah, bravo à vous. On va écouter un autre morceau peut-être maintenant. Qu'est-ce qu'on fait comme morceau? Vas-y, qu'est-ce qu'on balance là? Et t'es là, on va balancer Tchiboudjian. Ah. Pour tous ceux qui connaissent Tchiboudjian, c'est un plat typique sénégalais. C'est un plat merveilleux. Sénégalais. Dans le collectif, il y a chiche, tu vois, il y a des sénégalais. Ça, tu fais ça après, tu fais des dizaines d'ailes de pigeon, je te jure. T'es super bien après. Ouais, bientôt, je vais arriver à 1 million là sur YouTube. Et bah, on l'écoute maintenant. Ouais. Allez, c'est parti, MZ sur Skyrock. MZ. Quad 9 et Kinox. Davidson présente KDB Zik. Écoute. Je traîne dans mon tiek. Comme les carottes dans mon tiep. Le rime puis jamais dans l'eau. Enfoiré négro, t'as pas yep. Négro, tu vas yep. Ok, je traîne dans mon tiek. Mec, je n'arrive pas à adhérer comme les carottes dans mon tiep. Même avec de la patience, le ring cuit jamais dans l'eau tiède. Viens pas nager chez nous, enfoiré négro, t'as pas yep. Négro, tu vas yep. J'traîne dans mon tiek. Mec, j'n'arrive pas à adhérer comme les carottes dans mon tiep. Même avec de la patience, le ring cuit jamais dans l'eau tiède. Viens pas nager chez nous, enfoiré négro, t'as pas yep. Négro, tu vas yep. Traîne dans mon tiek, j'écoute ma mixtape, vous êtes pas crédible, allez niquez vos les pieds sur terre, ma grosse tête en l'air. Petit, je vais te frapper, ramène même ton grand frère. Pour être honnête, appelle même ton père, on respecte le respect, ça date pas d'hier. J'ai dit des Jenny, frotte ma lanterne, sans tailler les jetés vitrines, tu peux pas yep. Je suis pas fégon, j'ai pas tort, et je le sais, j'ai pas ton temps mini-moise, j'aime les cochons, pas le porc. Comme tous mes potes, donc vilain maîtrise tes bords. Si j'ai la gauche, je veux l'ego, toujours dispo, mardé et nœud à tes go. Oui merci, je suis pas beau, mais je pleurais même à ta femme si j'ai le zéo. Si j'ai le Zeyo, je m'achèterai le déguisement de Zoro. Et avec son épée sur ton cul, je mettrai un Z comme zéro. 8-0 euros, je suis pas méchant mais bon faut que les héros. Faut que les héros, sinon j'aurais connu plus de pas que de go. Je traîne dans mon tiek. Mec, je n'arrive pas à adhérer comme les carottes dans mon tiep. Même avec de la patience, le ring cuit jamais dans l'eau tiède. Viens pas nager chez nous, enfoiré négro, t'as pas yep. Négro, tu vas yep. J'traîne dans mon tiek. Mec, je n'arrive pas à adhérer comme les carottes dans mon tiep. Même avec de la patience, le ring cuit jamais dans l'eau tiède. Viens pas nager chez nous, enfoiré négro, t'as pas yep. Négro, tu vas yep. Pour les mecs de BJ, pour les mecs de Cheche, pour les mecs du Sage Pas. Wouh! Pendant que tu parles, puis tu conviens ta soeur me fait des putains de sage ma. Tranquillou dans mon chest, les gros boules défilent comme des tours, les patrouilles. Le meilleur à part, tu ne vaut pas un coup. Comme ces petits joueurs de lutte que je dépouille. Bah, fils à papa, besoin de son père pour les se débrouillard que des grands garçons. Toujours fidèle à ma femme et check son. Les vrais savent que je ne baisserai jamais mon caleçon. Mes garçons sous jeu, fume de la bœuf, posé sur Carfage 24 comme un creux. Ne me ramène pas tes rappeurs si tu veux les revoir. Je commence à avoir un petit creux. Les bolos et les decks. Je prépare ta mutuelle. Si tu harasses pas tes decks, je traîne dans mon check. Et pas dans une gare. Ouais, Zezeto, Kiro, la SBS, c'est comment? Je traîne dans mon check. Mec, je n'arrive pas à dérer comme les carottes dans mon tiep. Même avec de la patience, le ring cuit jamais dans l'eau tiède. Viens pas nager chez nous, enfoiré négro, t'as pas yep. Négro, tu vas yep. Je traîne dans mon tiek. Mec, je n'arrive pas à adhérer comme les carottes dans mon tiep. Même avec de la patience, le ring cuit jamais dans l'eau tiède. Viens pas nager chez nous, enfoiré négro, t'as pas yep. Négro, tu vas yep. Je traîne dans mon tiek, j'y suis à l'aise comme dans une schneck. Ils sortent des mixtapes. On sort des sextapes, on vient cracher sur les fesses du game après la vache. Lâche-moi quand, marin. Le vrai négro, c'est la MZ. On a la bonne recette, on a le meilleur tiep. Aïe. Et dans le tiek. Rodka est dans le tiek. HP est dans le tiek. Joker est dans le tiek. Nous compare pas à ces rappeurs de merde qui sont ghetto dans leur texte. Pillage, roule-moi mon terre, fais-moi du twerk. Et prépare mon tiep. J'traîne dans mon tiek. Mec, j'n'arrive pas à te blairer comme les carottes dans mon tiep. Même avec la patience, le ring cuit jamais dans l'eau tiède. Viens pas nager chez nous, enfoiré négro, t'as pas yep. Négro, tu vas yep. Ok, j'traîne dans mon tiek. Mec, je n'arrive pas à adhérer comme les carottes dans mon tiep. Même avec de la patience, le ring cuit jamais dans l'eau tiède. Viens pas nager chez nous, enfoiré, négro, t'as pas yep. Négro, tu vas yep. Je traîne dans mon tiec. Mec, je n'arrive pas à adhérer comme les carottes dans mon tiep. Même avec de la patience, le ring cuit jamais dans l'eau tiède. Viens pas nager chez nous, enfoiré, négro, t'as pas yep. Négro, tu vas yep. MZ, affaire de famille le 4 mai, toujours présent. Yep. MZ avec nous entre 20h et 21h. Donc ce morceau qui est déjà dispo, hein, qu'on peut trouver. Ouais, affaire de famille. Affaire de famille, c'est dans les bacs. Eh ben, c'est dans 3 jours, on l'a pas dit, mais c'est J-3. Ça y est, lundi après ce long week-end pour certains. Précipitez-vous dans les bacs ou alors précommandez dès maintenant aussi. On peut l'avoir tout de suite avec plein de morceaux. Avec les morceaux, je suis un menteur. Dans le bendo. Dans le bendo, wesh les puristes, ma substance. Voilà, ça fait déjà 5 sons sur une liste de 15. Et les clips sont disponibles sur YouTube. Et puis la MZ qui sera aussi en concert, on l'a dit, il y a quelques dates. Et il y aura une date le 3 décembre au Bataclan de Paris. Et j'ai des places ce soir à filer, les toutes premières places à filer. Faire gagner là, c'est comment Qui veut sa place? Est-ce que vous voulez poser une question peut-être, la MZ? À qui? Bah aux auditeurs pour gagner les places. Ah, une question. Une petite question autour de la MZ. Une question pour voir ce, parce que ces places se méritent, c'est les toutes premières. Donc peut-être des gens qui vous suivent depuis un moment, peut-être. Quel a été le quatrième extrait de Affaire de famille? Ah ok. Ça vous va? Quel a été le quatrième extrait de Affaire de famille? Non, le deuxième. Quel a été le deuxième? Voilà, attention. Question définitive. Quel a été le deuxième extrait d'Affaire de famille? Quel a été le deuxième extrait de Affaire de famille? Qui a été balancé. Voilà. Avant la sortie. Le premier c'était Dans le bendo. Juste pour avoir un petit aperçu. Pour se situer. Le deuxième, quel était-il? Si vous avez la réponse, vous envoyez avec le hashtag MZ sur Skyrock au 41759. Vous repartez avec les toutes premières places pour le concert de la MZ. Mmh. Premier Bataclan d'ailleurs. Ah, c'est chaud, pour... Bataclan. Le concert de MZ, c'est très chaud. Hein. Franchement, pour ceux moi, qui si c'est moi-même, je vais participer. Moi, je vais sortir, je vais appeler pour avoir des places. Et je ferai un son. Toi, tu connais le deuxième extrait? Ouais, non, moi je le connais. Tu connais la réponse. Et je vais gagner, c'est-à-dire je ferai un son sur scène, un son dans la pause. Je regarde, tu vois. Tu regardes, ouais, tu vas profiter du spectacle aussi. Je vais gagner. Donc le 3 décembre au Bataclan avec la MZ. T'as pas entendu. Les pions, ouais. Tu vas faire gagner mon pote. Oui, bien sûr. Bah, t'inquiète pas, Joker, ça arrive. Les places arrivent. Et on le disait ce soir, une soirée aussi placée sous le côté féminin. Sous le côté féminin. MZ. Qui est apportée par. Alors, je me plante pas sur les prénoms. Il y a Mallory. Mallory, oui. Il y a Zaina et Zaira. C'est ça. Voilà, Zaira et Zaina. Qui fera le live d'ailleurs dans un instant? On va découvrir vos voix en live, les filles. Ça sera un titre intitulé À quel prix, en featuring avec Zaina. Donc ça c'est un de tes morceaux, Mallory, voilà, c'est ça? Exactement, un morceau qui sera sur mon projet, Mallory tome 2. Qui sort? Il n'y a pas encore de date. Il n'y a pas de date. On est en train de peaufiner. 2015. Voilà, 2015, mais il n'y a pas encore de date. Pour toi aussi, Zaina, il y a des sorties, il y a des choses à annoncer? Pas pour le moment, mais on y pense. Zaira, je me tourne vers toi aussi. Je sais que tu bosses dur, tu es un producteur incroyable. Oui, c'est vrai, Mounir Marouf. Ouais, Mounir qui est vraiment. Mounir qui est dans les locaux. Mounir qui est dans les locaux. Mounir du 6-9. Mounir du 6-9. Aïe, aïe, aïe. Et qui est pareil, un des grands producteurs ici en France, qui a bossé avec tellement de gens aussi, bien dans le R&B, je pense. Que dans le rap aussi. Que dans le rap, évidemment. Et qui bosse avec toi, c'est ça? Ouais, il a produit tout mon album, donc ça sort au mois de septembre. Donc toi, ça y est, c'est septembre, ça y est, voilà. Une date. On n'a pas encore la date, mais il y a un single qui arrive le 4 mai, donc en même temps qu'Affaire de famille. Donc voilà, ça suit son cours. Très bien. Ça va être chaud. Zaira qui est là aussi avec nous. Pour vous suivre, les filles, vous les balancez aussi pour avoir plus d'infos sur vous, vos différents réseaux sociaux. Alors pour mon Twitter, c'est Mallory Artiste. Mon Instagram, Mallory Musique. Et puis voilà, c'est tout. Alors pour moi, Zaina, ce sera Zaina-Dubali pour Instagram. Et pour Facebook, c'est Zaina Lee tout court. Zaina Lee. Il faut liker les photos. Faut liker un maximum de likes. Et Zaira, pour toi? Pour moi, c'est Zaira officiel sur Twitter, Facebook. Zaira officiel. Voilà, et sur Instagram aussi. Et bon, on vous retrouve en live dans un instant, les filles. On passera aussi. Très grande chanteuse. des très grandes chanteuses là, la barre est haute là ce soir. Et ben on va pouvoir les découvrir en live dans un instant. On mettra aussi un titre inédit hein, ce soir de la MZ à pas louper. Ouais, Kalina. Ouais. On va faire en live. Ah, vous ferez en live aussi? Non, on fait Kalina. Il y a Kalina qui passe normal. Pas de bon, ben, mettez-vous d'accord. Tu sais quoi? Mettez-vous d'accord pendant la pub. On revient dans un instant avec la MZ. Affaire de famille, ça sort lundi. Mallory. Bougez pas, on revient après ça. L'émission rap de référence. Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Ce soir, en direct avec la MZ sur Skyrock. Ladies and gentlemen. Skyrock reçoit MZ pendant une heure complète ce soir. Planète Rap MZ. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec la MZ entre 20h et 21h. Dernier Planète Rap avant de laisser partir la MZ vers la sortie de l'album. Hein, c'est lundi. Lundi 4 mai, affaire de famille. Et puis ce soir, venu en équipe. Avec Mallory, avec Zaina, avec Zaira. On commence par un live, c'est le morceau de Mallory sur ton album qui est prévu pour la deuxième partie de septembre, quoi, à la rentrée. Vous êtes prêtes les filles, Zaina, ouais. Mallory? On attaque en live maintenant. Ok. Ok. Zaina m'appelle, elle me dit, Malou, on bouge. Mets toi sur ton 31, je passe te chercher. Je lui dis, mais t'es une ouf, j'ai rien à mettre, faut qu'on fasse du shopping. Les minutes sont passées. Et puis moi j'attends. Puis j'entends le bruit du klaxon. Alors je descends, je claque la porte, je prends l'ascenseur. Je dis on va où? Elle me dit sur les champs. Allons-y sur le champ, on tape la démarche. On croit que ça claque, mais tellement ça claque. On en claque nos thunes, des robes par-ci et des fers par-là. Tout ça nous rend ouf, les prix ne m'arrêtent pas. Oh, dès je fais des ravages. Attention dérapage. Voici la devise de toutes les co. Voici la devise de toutes les co. Peu importe à quel prix il me le faut. Je sors la carte et je tape mon numéro. Au final, le découvert s'empare de moi. Pa-pa-pa-pa. Voici la devise de toutes les go. À quel prix il me le faut. Je sors la carte et je tape mon numéro. Au final le découvert s'empare de moi. Fendi, Burberry, Louis V, toutes ces mains me contrôlent, oui j'en deviens folle. Balmain, Lanvin, Louboutin, toutes ces mains me contrôlent, oui j'en deviens folle. Ok, Zaina, dis-leur. Mallory, 2 minutes, je crois qu'il manque quelque chose. J'ai la carte, pas de thune, voilà ce que je propose. Avant que le découvert s'empare de moi. Ok. De Vuitton à Zara, je crame la paix du mois. Je balance à gare, va faire de Nike Rose. Va dire à ton gars, va dire à mon gars, faudrait faire une pause. Faudrait faire une pause. Que tu penses à autre chose, moi je claque. Dès le début, il nous faut de la sap. Faut qu'on s'amuse. Je vais chauffer la carte. J'avoue, j'abuse. Faut qu'on soit belle, ma belle. Qu'on se donne de la peine, qu'on se renouvelle. Faut qu'on trouve quelque chose. Voici la devise de toutes les go. Peu importe à quel prix il me le faut. Je sors la carte et je tape mon numéro. Au final, le découvert s'empare de moi. Pa-pa-pa-pa. Voici la devise de toutes les go. Pa-pa-pa-pa. Peu importe à quel prix il me le faut. Je sors la carte et je tape mon numéro. Pa-pa-pa-pa. Au final, le découvert s'empare de moi. Burberry, Louis V, toutes ces mains me contrôlent. Oui, j'en deviens folle. Balmain, Lanvin, Louboutin, toutes ces mains me contrôlent. Oui, j'en deviens folle. Ouais. De toutes les go. Ouais. Et il me le faut. Ouais. Je sors la carte et je tape mon numéro. Au final, le découvert s'empare de moi. Voici la devise de toutes les go. Peu importe à quel prix il me le faut. Je sors la carte et je tape mon numéro. Au final, le découvert s'empare. me contrôle, oui j'en deviens folle. R&B français. Oui j'en deviens folle. Je pense qu'on peut applaudir les filles, bravo à l'instant live. Mallory, Zaina. Si. Sur le projet de Mallory donc qui est prévu pour rentrer 2015. Zaina c'est la sœur de Chiche. Zaina c'est la sœur de Chiche. Il est où Chiche? T'as capté. Zaina Mallory, l'accord est pas mis. Elle est là Chiche, me disait. Aïe. On va d'ailleurs saluer Chiche et Marlo qui est là. Chiche et Marlo avec sa flex attitude. Là, tu vois comme on t'a dit hier, c'est une affaire de famille. Donc voilà, on inclut la famille dedans. Bah, tu dois être fier de la frangine en tout cas. Ouais, je suis archi fier de ce qu'elle fait et de ce qu'elle va faire. Tu vois. Franchement, c'était du lourd. Les deux, Mallory et Zaina, elles viennent de me faire un truc de ouf. Là. Moi, j'ai trop kiffé. J'ai vu. Tu avais des frissons. Tu avais des frissons. Bravo les filles. Franchement, ouais. Vous en avez giflé plus que vous croyez. Frère, le son, je l'écoute en même temps que toi. Je le connaissais pas. Tu connaissais pas non plus. Ah ouais. Super lourd. Je me suis pris une gifle en vrai là. On peut le retrouver quelque part le son. Pour l'instant, il sera sur mon projet tome 2 mais qui n'est pas encore sorti. Donc ouais. Voilà, c'était une exclue totale. Ouais. Vous êtes frustré hein c'est chaud. Vous avez envie de le réécouter. Vous voulez. Eh bien, il faudra attendre septembre 2015. Dans un instant, Zaira, tu fais aussi un petit live dans quelques minutes. Ouais. Voilà, on n'oublie pas. On n'oublie pas, ça arrive juste avant. Je présente. Ça va être chaud. Téléphone Kéfir de Saint-Étienne, comme d'hab, non, Kéfir? Oui, toujours. À moins que tu aies bougé, non? Non, toujours, j'habite toujours dans ce trou à Saint-Etienne. Non, ça va Saint-Etienne, ça va. Attends. Les Stéphanois qu'on salue, ça va bien Kéfir? Ouais, ça va, et toi Frédérico? Je te remercie, la MZ est là. Ou quoi? La MZ, bah je connais parce que je les ai découverts à Lyon en fait. Ils sont venus faire un concert il y avait un gros concert avec justement il y avait les Sage-Po et il y avait la MZ. Ah, et on salue Zoxy qui est dans le coin aussi. Hein. À l'original. À l'original, ouais. Ouais, je me souviens de ce concert, mais ça date ce concert quand même. De ouf. Kéfir? Ouais. Ça date le concert, non? Ça date grave. C'était à Lyon et justement il y avait Zoxy et je sais que justement eux ils sont chez KD Basic et je pense qu'ils sont bien épaulés par Zoxy et Frankie. Merci à toi. Merci à toi Kéfir. Kéfir il connaît tout dans le rap. Ça va Kéfir? Ah Kéfir ouais il connaît. Ça va Kéfir? Ah Kéfir t'as ah bah voilà regarde Zo qui est là. Il est là. Zoxy comment vas-tu? Ça va super bien merci et toi? Ah ça va, ça me fait plaisir de t'avoir au téléphone. Moi aussi je vois que t'es tout le temps là dans les freestyles et tout, c'est ouais. Zo t'as vu? Moi il m'a pas dit ça me fait plaisir hein. Mais si il a dit la MZ et tout. Je le connais depuis longtemps donc c'est pour ça. Ouais lourd t'inquiète ouais. Et bah Kéfir on va t'écouter maintenant en freestyle. Yes. Allez c'est parti, session freestyle. Vas-y, par téléphone, on y va Kéfir. Yeah, ok. Yo. Toi t'es content de toi, mais moi je fais confiance à l'auditeur. C'est mon contre-emploi, je me déploie pour plaire aux chroniqueurs. Balancer des trucs purs, c'est la devise de l'équipe. Produire des beats et des kicks sans la moindre structure. On se procure notre propre promo et propre topo. On avance face à trop de murs. La vérité, on a le salaire de l'intermittence. L'impertinence ne paye pas, ne fais pas si t'en avais l'idée. Interdit de danse depuis l'époque des boom, je rappe. Adolescence étalée sur des prods boom bap. Y'a les MC sur toutes leurs valeurs, j'ai côtoyé. Trop de photocopies avec le discours que trop croyez. Ça fait blab. Blabla, je me suis octroyé le 3-3-3. Et le flow qui les atomise ramène tous mes protagonistes au poids. Je vais les foudroyer, qui que vous soyez, je reste impossible à soudoyer. Tout mon sac, j'ai pas déballé, ce son éteint pas décalé. Fallait pas me demander taille et braille, croyant que j'allais pas les caler. Envoie le pit crade que je puisse l'étaler. Mettre une tannée, stanée, celui qui peut me battre fait paner. Avant de vouloir rapper, je te conseille d'apprendre à lire. Personne ne sait exactement ce que t'es amant à lire. Tu fais croire à ton entourage que t'es un dingue et que t'es nos limites. Mais face à nous, tu n'as rien dans le ventre. Polémique, le seul jour où t'es chaud, c'est quand t'as avec ta fièvre. T'enflamme pas, si on dit que t'es le roi, c'est que t'as chopé la fève. Tu penses nous adouber, tu ne manques pas de souper. Voici mon couple, coup d'épée pour tout péter. Personne peut me doubler. Mais où t'étais quand t'écoutais, tout est pété. Tu me redoutais, tout est sur le vol, ton gros dégoûté. Voulez tous me shooter. KFYR, One Mike, Frédérico, KDBZ, MZ. KFYR, 1, One Mike. Ok, Kéfir à l'instant, fort, Kéfir comme d'hab. Kéfir, ça fait du bien d'entendre ce genre de rap. En tiens, plus, c'est bien fait. Zoxy aussi veut ajouter quelque chose, il me semble. Déchire Kéfir. Il est signé, merci beaucoup, il est signé. Très merci beaucoup MZ aussi. T'es signé quelque part toi Kéfir? Non, je suis signé. Ça va arriver. Je crois que ça va arriver plus tôt que prévu. Viens. Ça va arriver. Mais toi t'as sorti un projet Kéfir, il y a quelques mois maintenant, mais. Ouais, j'ai sorti avec le One Mic, on a sorti un petit EP, mais artisanal, quoi, chez nous, quoi. Artisanal, bah écoute, on te souhaite beaucoup de succès pour la suite, en tout cas. Ça va arriver, ça va arriver. Merci, je sais pas qui dit ça, mais merci. Merci, en tout cas, si ceux qui veulent me retrouver, c'est KEFYR, la page sur Facebook. Kéfir, KEFYR, allez cliquer, allez découvrir Kéfir. Allez découvrir. C'est voilà, bien. Merci beaucoup et je vous souhaite vraiment bon courage et bonne chance pour cet album. Merci Mike. Merci à toi Kéfir. Aussi pour la suite. Il a raison Kéfir, juste de préciser un truc, c'est vrai qu'on est voilà, vendredi, si on parle vendredi. Avenir, donc lundi c'est la sortie. Qu'est-ce que J-3, vous... c'est ça? C'est J-3. J-3 carrément, le premier album de la MZ, Affaire de famille qui sort le 4 mai. Qu'est-ce que vous attendez autour de cet album vous? Franchement, partir en tournée dans toute la France. Partir en tournée et même sortir hors France pour partager notre musique. Bon, on rappelle aussi que ceux qui achètent alors sur les réseaux sociaux, hein, MZ officiel ou MZ Group, vous pouvez tirer au sort et 5 d'entre vous auront alors non seulement l'album dédicacé mais livré à la maison. Livré à la maison. Voilà. Avec nous. Avec vous. J'espère y a quelque chose dans le frigo. La spécialité, vous attendez quelque chose en particulier? Oh non, moi c'est mon gars Joker, il voulait du poulet massalé là. Mais ça, il va falloir partir à la Réunion pour ça. Laisse tomber. La dernière fois, ils ont dit non, c'est le cabri. Je vais faire avec du poisson aussi. Voilà. Le fish massalé. Ah ouais, laisse tomber. Bon, non, en tout cas, voilà, vous attendez beaucoup de retours autour de cet album. Voilà, beaucoup de retours. De tourner surtout, d'aller faire beaucoup de tournées. Voilà, de partager la musique. Où faut qu'elle soit, partout. Faut que la musique voyage grave, faut que l'album voyage. On passera un titre inédit dans quelques minutes. Est-ce que là on fait le live? Non, il y a live. Tout à l'heure on s'est trompé, hein. C'est pas Kalina, c'est Johnny. C'est Johnny qu'on va mettre en exclusion. Ah, on exclut, d'accord. Johnny, un morceau qui s'appelle Johnny. Tu vois, hier Marlo, il t'a parlé de la codéine. Il va on va te montrer aussi. On va Marlo, t'es bien là. Il est bien, il est flex. Est-ce que tu es flex? Tu connais toujours flex. Avant de passer à la grosse prestation de Zaira, j'aimerais bien que. Elle se présente encore. Ah ok, tu as raison, Donc Zaira, c'est une nouvelle artiste qui vient d'être signée chez Arista, le label où vous êtes, c'est également produite, on le disait, par Mounir, qu'elle a aussi avec nous. Yep. Et donc ton projet, toi, c'est septembre. Ouais, ce sera en septembre. Il y a déjà un single qui sort là le 4 mai. Donc 4 mai pareil. Voilà. Et c'est le morceau que tu vas nous faire maintenant? Non, je le laisse en exclu pour lundi. D'accord. Donc là c'est juste un petit freestyle. Bah on y va, non? On va découvrir Zaira en live, Zaira, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? C'est aussi une affaire de famille, hein. On a aussi déjà collaboré. Oui, c'est ça. Ah bah si, oui, donc je me doute si elle est là. Il y a un featuring avec Joker sur mon album. Il a écrit aussi un titre pour moi sur mon album qui s'appelle Bye Bye. Donc voilà, c'est une de mes chansons préférées. Ça, quand ça va sortir, ça va passer à Skyrock. Direct. Bon, et bah on t'écoute tout de suite, Zaira, en live. Ça marche. Session freestyle dans le studio avec Zaira, nouvelle artiste à découvrir maintenant sur Skyrock. Comme un fou, tu m'as raconté trop d'histoires, tu parles beaucoup. T'as voulu jouer avec moi, tu ne tiens pas le coup. Non, non, on verra qui de nous deux finit à genoux. When I grow up, you go down. Tu peux garder tes belles paroles, toutes tes excuses, je n'en veux pas. When I grow up and down, up and down, up and down. And if you don't know, now you know, bitch, bitch, bitch, yeah yo, yeah yo. Zaira, yeah, yeah. Bitch, better help my money. You should know me well enough. Bitch, better help my money. Let's what you want. Don't act like you forgot. Bitch better have my money. Bravo. Merci. Bonne chanteuse. Moi j'étais parti hein. De la lourdeur. Moi j'étais parti. Ce que quand c'est le côté féminin, c'est aussi lourd que le côté masculin, t'as capté ou quoi? Musicalement c'est trop là même. C'est trop dans l'air du temps. Elle s'appelle Zaira, suivez-la en tout cas. Elle, les gens avec qui on collabore, c'est les meilleurs. Parce que tu vois, t'as capté. Tout à l'heure on t'a dit on collabore pas avec tout le monde. Tu vois, c'est Maréchal Pétain et tout, les collabos, ah, même pas chez nous. Ouais, en même temps. C'est pas chez nous, c'est exactement ça. Donc on collabore, c'est vraiment, tu vois, c'est le talent. T'as capté. Un gros bisou. Zaira, en tout cas, merci. Merci. Merci. Et puis, on attend donc ton projet, plutôt, voilà, deuxième partie de 2015 à la rentrée. Ouais, voilà. Là, c'est vraiment pour soutenir Affaires de Famille. Et lundi, lundi, t'as ton et ouais, single, j'ai mon single, mais bon. Qui arrive à suivre. Ça va arriver. Un gros bisou par Rose G. Je trouve que nous sommes bien, en tout cas, dans ce Planète Rap de la MZ. Oh, on est tranquille. Est-ce qu'on balance tout de suite le titre inédit? On fait quoi, les gars? On fait quoi? Attendez, on a peut-être même avant Lune de Fiel, on me dit dans l'oreillette que ce serait bien de remettre Lune de Fiel, de la MZ. Classique, c'est histoire que ça monte bien. Et dans un instant, quand les gens seront chauds, ils vont nous envoyer des messages pour dire balancer l'inédit. Voilà. On le balancera. Soyez chaud. Un petit coup de Lune de Fiel, c'est parti. Un gros big up à Crystal, Jou, Amadeji, Rosji, Mike. On est là, les BG Boys. Ouais, grosse dédicace à Melo Philo, le frérot il est là. Il y a des basic niggas. T'inquiète pas, mon ami. De la zep, de la cheese dans la brochure. Des bad bitches très alléchantes. Mes gars va se rendre désagréable. Et micro ta soirée, tu commences à jouer à la meuf chiante. Écoute ma belle, on est toujours direct dans nos propos. Chic, tu kiffes pas la mytho. Finis plus mes putains de bédo. Avant que je te mette ta part, enlève-moi tout le nœud que j'ai dans le dos. Tu sais, je suis pas là pour jacquer. Je veux juste fumer. Wesh Kiro. Kiro Zola, c'est comment? Yves Duvet, c'est comment? La SBS. Crier toute la soirée. Par contre, tu casses tout le pire dès quand tu veux faire, tu sais. Baby, je t'attends. Non. Suis le son de ma voix, rentre dans la chambre. Non. On fera rien de bien méchant. On va juste fumer, teaser, baiser. Fumer, teaser, baiser. Qu'est-ce que t'attends? Le son de ma voix rentre dans la chambre. Affaire de famille, on fera rien bien le 4 mai. On va juste fumer, teaser, baiser. Je pense que commande déjà. Fumer, teaser, baiser. Rentre dans la chambre, on va fumer, teaser, baiser. On va juste fumer, teaser, baiser. Non, d'abord tu vas me branler. Et n'oublie même pas de me sucer. Ouais, t'inquiète, tu vas kiffer. Ok, viens avec des copines. J'serai avec toi et Pim. Sera du Sprite, de la codéine. On sera le meilleur coup de votre vie sans doute. Bébé, vous serez plus en chaleur qu'en août. Pour le rap, pour le sexe, t'as confiance en nous. Donc vous viendrez comme des chiens en loup. On sera sera sous piaf. Je sais que t'aimes sa coquine, une soirée inoubliable que tu raconteras à ta fille. Bébé, je t'attends. Non, suis le son de ma voix, rentre dans la chambre. Non, on fera rien de bien méchant. On va juste fumer, tease et baiser. Fumer, tease et baiser. Fumer, tease et baiser. Fumer, tease et baiser. Fumer, tease et baiser. Fumer, tease et baiser. Fumer, tease et baiser. Qu'est-ce que t'attends? Non, suis le son de ma voix, rentre dans la chambre. Pas d'impact, ça dit quoi? On fera rien de bien méchant. On va juste fumer, tease et baiser. Fumer, tease et baiser. Fumer, tease et baiser. Fumer, tease et baiser. Fumer, tease et baiser. Rentre dans la chambre, on va fumer, tease et baiser. Je veux juste chicher, tease et prendre du plaisir. J'emmerde ma conscience, ma santé, je sais que tu me désires. Je veux que tu sois ma salope, poilie et ta bouche, la meilleure conseillère de mon zizi. Je suis fou, mais tu t'en fous, je suis pas ton mec, ni ton ex, ni ton futur, juste ton meilleur coup. Et je te monte en l'air sans jamais que t'atterris. Je veux la baiser sans le besoin de dire bébé. Et elle veut me baiser jusqu'à ce que je crie, mais il est présent dans tes zones érogènes où j'en sais rien. Sur le 4 mai dans les vagues, affaire de famille. Sur le 3 décembre, on va t'attendre. Plus gros don, je m'en bats les couilles, c'est pas de ma faute. Bébé, je lui fonce des. Rejoins-moi, accroche-toi car le 7ème ciel n'est pas loin. Ce soir, sois ma 8 neige, prête ton popi, fume mon tison baison toute la nuit. Vis cette nuit comme la dernière de ta vie, mouille les traits du lit, crie, réveille toute la ville. Je sens ton cœur qui babite, tes paupières palpitent. T'es tombé accro à moi, je suis ton héroïne. Ouais, je ce rate, soir, rien ne sert de trop parler. Consomme-moi jusqu'à l'overdose. Tout si Kassem, tu passes dans cette pure, reste bon, dans cette pure. Le vrai négro fait vraie chose. Bébé, je t'attends. Non, suis le Chiche. Son de ma voix, rentre dans la chambre. Non, on fera rien de bien méchant. On va juste fumer, tease et baiser. Fumer, tease et baiser. Fumer, tease et baiser. Fumer, tease et baiser. Fumer, tease et baiser. Fumer, tease et baiser. Fumer, tease et baiser. Qu'est-ce que t'attends? Non, suis le son de ma voix, rentre dans la chambre. Non, on fera rien de bien méchant. On va juste fumer, tease et baiser. Fumer, tease et baiser. Fumer, tease et baiser. Fumer, tease et baiser. Fumer, tease et baiser. Rentre dans la chambre, on va fumer, tease et baiser. Bébé, j't'attends. Non. Suis le son de ma voix dans la chambre. On fera rien bien méchant. On va juste fumer, tease et baiser. Fumer, tease et baiser. Fumer, tease et baiser. Fumer, tease et baiser. Qu'est-ce que t'attends? Suis le son de ma voix dans la chambre. Ouais, j'ai Kinox, c'est comment? On fera rien bien méchant. On va juste fumer, tease et baiser. Ouais, j'démo, c'est comment, gros? Fumer, tease et baiser. Zaira, c'est comment? Suis le son de ma femme dans la chambre. Zaïna. Je suis Malorie, c'est toi qui chante ou quoi là? Ah, elle est au rendez-vous, elle est au rendez-vous. Ouais, ça se fait tout comment? Si, si, affaire de famille, le 4 mai. C'est carrément trop chaud. Le morceau, c'est Lune de Fiel, c'est la MZ avec nous entre 20h et 21h. T'as voilà. Vu, c'est Mallory hein, qui chante à la fin. Et ben... Elle a enlevé son manteau. Elle s'est mise à l'aise. Elle a dit elle va fumer, tiser, baiser. Tu vois Mallory, Mallory, droit de réponse tout de suite. Droit de réponse. Non, sans... peut pas me vas-y, prends le micro. Prends le micro qu'on t'entende bien parce que là, c'est pas possible. On peut pas t'attaquer comme ça sans que tu répondes. T'es mal comment il chauffe lui. Il veut pas me lâcher avec l'histoire du manteau. C'est inadmissible. Non, une fille a dû enlever son manteau. En tout cas, moi je dis ça, mais il y a Chiche qui est en train de mater. Avec un regard genre de grand frère qui surveille l'assista. Mais c'est les les gars. Hey, il chauffe trop, vous. Hey, Chiche, hey, il chauffe trop, lui. Te laisse pas avoir, gros. Te laisse pas avoir. Moi je m'en fous, il me regarde pas, il vous regarde. Démerdez-vous. Ah, bah bien sûr, il nous regarde, on est raflés. Bon, Mallory qui est présente en effet sur Mallory, le morceau Lune de Fiel à l'instant, voilà. C'est ce qu'on écoutait. Et je crois que maintenant il est grand temps de passer ce titre inédit. Les gens l'attendent, les gens l'ont réclamé. Je me sens comme Johnny. C'est donc un morceau dédié à Johnny Hallyday. À Johnny Hallyday, ouais. Voilà, un petit clin d'œil. On peut le dire. Parce que tu sais, on est né avec. On est en... à la maison, ça écoutait pas Johnny, je vais dire la vérité. Toi. Oui. Ah ouais, t'as capté. Ça écoutait les garagistes, les Yulé, tu vois. Au pire et au cocker, mais non, mais. On a grandi avec. Ah bah en même temps il fait partie du patrimoine. Il est là, ouais, capté. Il est là. Tout le monde sait ce qu'il dit. Les mecs à 70 ans est toujours sur scène. Toujours donc, là. Après on aime, on n'aime pas, mais il faut au niveau de la carrière. Au niveau de la carrière, c'est tu vois, c'est quand même c'est avec vrai que ça. Avec un cuir noir comme les anciens de chez nous. C'est vrai que c'est. Cuir noir, tu vois. C'est ça. Et on va te montrer sa ligne grave. Et après avoir aligné, on sent comme Johnny. Je mène la vie d'un gangster. Je rêve d'être une rockstar. Ne me compare pas à ces acteurs qui méritent des Oscars.

Non, vas-y Mallory, vas-y, attaque. Non, je voudrais, ne te préoccupe pas d'eux. Je voudrais remercier tout le monde ainsi que la MZ pour avoir posé sur l'album. Et voilà, donc Affaire de Famille le 4 mai. Allez le choper le plus rapidement possible, vous n'avez pas d'excuses. Merci à vous, merci Zaira, merci Zaina. Et merci la MZ, merci à Momo qui était là, qui nous a alimenté aussi. Le 4 mai, le 4 mai, le 4 mai, le 4 mai, le 4 mai. Si. Dédicace à LLL, t'as capté, ma gueule. Et juste avant de se dire au revoir et de retrouver D-Fool, on va faire. Ah, Zoxy, tu voulais ajouter quelque chose, pardon. Non, tout va bien, voilà. Gros dédicace à Equinox qui est l'architecte sonore. Amel OP, voilà, MZ, Davidson, voilà. Bien sûr, Isma, tout le monde est là. Très. À mon gars aussi, Parigo, qui est là. À Parigo. Ouais, ouais, il est là, le frère. Un Ivoirien vrai. Tranquille et tous ceux, voilà, tous ceux qui sont là ce soir. C'est merci bon. À vous, on fait tourner la roulette sur Skyrock et on trouve D-Fool juste après. Skyrock Radio. Okay. Skyrock t'offre la nouvelle compile Planète Rap 2015 et un bon d'achat de 60 euros. Nicolas, Skyrock. Nicolas de Limoges, ça va bien, Nico? Salut, ça va et toi? Bienvenue en ce vendredi férié, en ce 1er mai. Tu es prêt à faire tourner la roulette? Ouais. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Stop! La roulette qui va s'arrêter, Nico, pour toi sur la case, c'est. C'est Planète Rap 2015 et 60 euros en bon d'achat qui arrive à la maison, Nico, du côté de Limoges. Nickel, merci. Merci à toi, passe une bonne soirée, merci à vous tous. Merci à la MZ, merci à vous tous, merci aux filles qui étaient là ce soir et à toute l'équipe. On va retrouver D-Fool et moi je vous retrouve juste après, ce sera la nocturne 100% rap français. Ciao. Et c'est parti jusqu'à minuit, on va démarrer très chaud pour ce vendredi 1er mai. Money. Des putes et de la monnaie. Bitch, bad eyes, my money. C'est le titre de Rihanna, c'est pas moi. Oui, oui. Oui, oui. Cédric est tout excité, il a sorti un billet. Non, c'est le titre de Rihanna, Cédric. Oui, j'avais compris. Eh oui, 1er mai, jour du muguet et Radio Libre, même le 1er mai, c'est parti avec la spéciale. Fred, on te retrouve tout à l'heure à minuit pour la nocturne. Ouais. Et puis semaine prochaine pour Planète Rap. Et nous, on arrive tout de suite sur Sky avec Bitch, bad eyes, my money. Toute la journée sur Sky.